Clément. Tonaille. Oui. J'espère que tu vas nous refaire la même blague vu que j'ai perdu le moment où tu l'as faite. Eh ben justement, ça se peut très bien. Comment ça va? Eh ben ça va vachement bien. Ah ben moi aussi ça va. Enfin en vrai là je te dis là, je sens un peu la fatigue qui m'est en train de pointer. Ça doit être. Du moment que ça s'entend pas. Oui, non, mais personne peut s'en douter. Oh. Personne peut s'en douter. Bon, on est là encore pour parler d'un petit groupe. Un petit groupe? Ouais, un groupe. Alors, c'est rigolo parce que, historiquement, oui, on avait déjà commencé à en parler, mais pas tous les deux en même temps. C'est-à-dire que t'avais commencé à en parler. Ouais. Moi, je t'ai dit, c'est pas le bon groupe. Ah! Et après, on a arrêté là. Je m'en rappelle plus. Alors, du coup, ouais, bah, en même temps, on peut peut-être raconter l'histoire parce que, du coup, je l'ai perdu l'extrait. Ah, c'est con, ça. Ça, c'est con, ouais. C'est con, t'aurais pu le garder, là. Mais, oui, mais je l'ai perdu, je l'ai perdu. Tu l'as perdu. Je te jure, je l'ai perdu. Tu l'as toujours. C'est juste que t'as pas chargé. Non, non, parce qu'en fait, j'ai fait. Tu l'as supprimé? Oui. D'accord. Bah, si jamais La vérité fait mal. Ouais, non, mais si, je l'avais perdu. C'est, je suis dégoûté, je l'avais perdu. Sérieux? Mais oui, parce que j'ai effacé, en fait. Parce que comme j'avais plein de morceaux avec les épisodes ratés et tout ça, j'ai effacé. Bref. C'est triste. En fait, pour vous dire un truc, on commence à enregistrer une capsule. Je fais l'intro, je dis à Tonaï de qui on va parler, il commence à partir sur un truc et je lui dis je comprends pas, il me dit bah tu comprends pas, je dis bah non, il me dit bah on va parler de tel groupe là, je dis c'est pas ce groupe là, il fait bah si j'ai préparé ce groupe là, moi je dis bah moi non, voilà. Je lui dis bon bah vas-y on va parler de celui-là, mais tu crois quoi que ça prend 5 minutes. Donc du coup on a arrêté là et il ouais, est revenu le lendemain. Donc là cette fois on va pouvoir en parler normalement pardon. Ouais. Mais je te propose et d'abord normand aussi. Et normand aussi, mais je te propose d'en faire déjà un petit générique. Un petit générique. Dis pourquoi le jour, la nuit. Ta-da-da. Pourquoi l'eau, le feu, la terre. Ta-da-da. Et pourquoi le vent, la pluie. Pourquoi tous ces grands mystères. Ta-da-da. Va toujours plus loin, Colin. Wouh! Va toujours plus haut, Colin. Yeah! Tu veux tout savoir, Colin. Ta vie est un cri, Colin. Par contre, on est d'accord que c'est pas le bon nom. Bah non, mais j'ai changé. Ouais, d'accord. Mais c'est, bah, ouais. Non, mais c'est, non, ça, c'est faux. Il y a que toi qui te poses des questions. Hein. Tout le monde savait que c'était pas le bon nom. Mais non, parce que je pense que les gens vont se dire, mais il est con quoi, c'est Raon. Je suis pas si con. Déjà. J'ai pas dit que t'es. Il y a quand même un petit lien. Bah bon quoi. Ah, tu l'as le lien? Vite fait. Ça m'a fait penser un peu à ça. Ah. L'époque préhistorique. Waouh. Les hommes habillés en peau de bête. Ouh, ok. Bon bah écoute, dans ce cas-là, dis-nous de qui on va parler alors. Alors, on va parler de Korn. Hey, comment je t'ai bien vu. On va pas parler de Walkways, hein. Bon, on en a déjà parlé, je crois. Bah oui, mais on a même peut-être pas fini d'en parler d'ailleurs. Non, mais comme t'as dit, le nom que t'as dit est trouvé, donc c'est vrai en plus. On va potentiellement en reparler, ouais. Mais pas. Non, mais même là. Ah si. Ah ouais. Ah bah oui. Bon, bah en tout cas, là, on va parler déjà, principalement, de Conan. On va parler de Conan. Non, mais je pense, juste pour préciser, c'est vraiment... Je dis juste un truc, hein. C'est ce côté primitif là, qui m'a fait penser à ça. Tu le dis de cette façon-là, en ouais. Plus. Non, mais je comprends. Ouais. Il y a primitif, très lourd, très très très lourd, avec un accordage bien spécifique en plus. Ils sont accordés en F. Ah. Pour te dire, moi je fais de la guitare depuis très longtemps, ouais. Accordage en F, j'ai quand même été voir ça correspondait à quoi. Parce que vraiment, dans ma tête, j'arrivais pas à m'imaginer. Parce qu'en fait, pour te la faire courte, un accordage, donc tu définis à peu près ta première corde et après tu vas définir les autres cordes derrière. Mmh. En fonction de ça, c'est pas juste. Ouais, je vais pas arriver à bien m'expliquer. Non, mais en fait, moi, tu sais, moi, je connaissais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je connaissais pas la note F. Ça, ah, F, c'est en anglais. Ah. Fa. Ah, d'accord. Et donc c'est très, très, très grave comme accordage. C'est pour ça que ça s'entend un peu. Ah ouais. Mais c'est pas lié que à ça. Mais bon. Bref, on va parler de Conan, qui est donc un groupe de Doom, Sludge, stoner un petit peu par certains côtés, metal, parce que j'aime bien faire doom metal, sludge metal, ça. Donc anglais, formé en 2006, à la base formé comme un duo de doom stoner sludge. D'accord. Est-ce que tu sais par qui ? Eh non, pas du tout. Bah formé par Richie Grundy à la batterie. Ouais. Et un certain John Davis, guitare et au chant. Ouais, mais John Davis. John Davis, oui. Ça n'a rien à voir. Bah, non, mais c'est pour ça que quand tu m'as dit Korn, j'ai dit bah oui. N'importe quoi. Bah quoi? Bah tu fais des raccourcis, gros. Il a le même nom. Il a presque le même nom. Bah, comment on l'appelle, Jonathan Davis? Bah, c'est les intimes qui l'appellent comme ça. Bah. Y a que moi qui l'appelle comme ça, d'ailleurs. Bon, bref, ils sont déjà venus au Hellfest en 2014 et 2019. D'accord. D'accord. Donc formé en 2006, comme je l'ai dit. Ils ont un style apparemment qui se caractérise par un son fortement distordu et désaccordé. Ouh. Ils ont été décrits comme, et là je vais te donner raison, l'homme des cavernes. Alors, non, pas tout à fait. La bataille fatale des hommes des cavernes. Ok. Donc voilà, tu vois ça, on est un peu dans ce que tu disais. Bien sûr, à la base, ils sont formés comme duo, mais après, ils sont rejoints par d'autres musicos. Mm-hmm. Mais la base, enfin, en tout cas, John Davis, lui, est toujours. Là, le duo, c'est toujours le cas, quoi. Enfin, ils sont toujours là. Non, non. Richie, il est parti. D'accord. Donc en fait, maintenant, au chant et à la guitare, t'as John qui est là, donc, enfin, de 2006 à 2008, parce qu'il y a dû avoir une petite pause, je pense, dans le groupe. Si je dis pas de conneries, 2007-2008, ouais, c'est ça. Après, depuis 2023, leur bassiste et la batterie depuis 2017. Donc, on peut dire que dans ces cas-là, que c'est le groupe de John Davis. Ok. Faisons pas de. Oui. Il est à noter aussi que John fait partie de Black Bow Records et de Black School Service. Ok. Et donc, c'est, comment dire, en gros, bah, il a un label et en plus, il s'occupe d'aider des groupes à travers Black School Service. Donc, en fait. Le mec est méga occupé entre son groupe et les trucs d'à côté, quoi. En gros, pour Black School Service, c'est lui et sa femme qui gèrent. Et il s'occupe bah, justement de donner des conseils à des groupes, de leur trouver des tourneurs, des machins. Donc c'est un vrai truc, quoi. Tu vois, il négocie avec d'autres labels. Enfin, tout le côté relou et transactionnel, c'est cette compagnie-là qui s'en occupe. Alors que pour Black Bow Records... Et ben c'est d'autres personnes qui travaillent avec lui, quoi. C'est eux, c'est d'autres gens. Il le gère le truc, mais voilà. D'accord. Donc il a pas mal d'activités diversifiées au sein du groupe. La particularité aussi du groupe, c'est qu'il joue très très fort. Ah, il joue à 109 décibels, alors que par exemple en France, c'est 102 ou 103 autorisés. D'accord. Donc de temps en temps, il triche un petit peu. Ouais. Ils arrivent un petit peu à pas écouter ce qu'on leur dit et aller à fond parce qu'en fait, apparemment, pour lui. La musique doit jouer forte. Sa musique à lui doit en tout cas se jouer extrêmement forte. Ouais. Donc c'est sa volonté profonde, donc il y va. Mais il explique aussi dans des interviews qu'il a un technicien son qui arrive à faire assez bien pour que le son ressorte quand même en étant un petit peu moins fort. Quoi. Okay. Et pour arriver justement à ce son, bah, y a plein de particularités qui rentrent en compte, mais principalement c'est matériel. C'est-à-dire qu'ils ont leur ampli à eux, deux trucs modifiés, des instruments modifiés. Il y a plein de trucs qui sont vraiment... Il y a réglé pour un résultat bien précis. Pas que réglé, même adapté, modifié en termes de micro et tout. Ouais. Vraiment, ils ont leur truc. Bah, c'est tout un truc, tu vois. En fait, ça fait intimement partie du son du groupe. C'est leur marque de fabrique, quoi. De fabrique, pardon. Ouais, ouais. Parce que leur marque de fabrique, ça n'existe pas. Bah, sauf si le mec qui conçoit la marque s'appelle Fabrice. Voilà, par exemple. Donc, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 albums. Dont le dernier. Bah, le dernier. Mais il n'est pas sorti, le dernier, pourtant. Parce que je vois 2025. Là, j'ai zappé cette info. Ou alors ? Ils en ont sorti en 2025, c'est possible. T'as pas mis à jour depuis la dernière fois ? Il n'y avait pas de dernière fois. Vous avez... Sauf pour moi, quoi. Peut-être. Non, mais je l'ai peut-être pas fait gaffe. Ah, si, il est sorti, oui. Effectivement, c'est celui de 2025. 25 avril. Oui, bah, le dernier que j'ai écouté, c'est ça. Ouais. Y a aussi pas mal de splits. Hein. Et puis des lives. C'est un groupe dont un fameux live au Roadburn. Hein. J'ai l'impression que tous les groupes ont des lives au Roadburn. Au Roadburn. Alors d'ailleurs, d'après ce que je vois, c'est en 2008. Ils sont pas arrêtés. Donc je sais pas s'il y a eu une petite pause, un truc, mais. D'accord. Enfin bref, c'est un groupe qui est quand même donc extrêmement basé sur la lourdeur et sur le doom sale un peu, qui donne pas envie de... En fait, on peut être facilement réfractaire à ce style. C'est compliqué de rentrer dedans. Même si c'est pas un doom qui est lent forcément, parce qu'on a pu entendre extrait. Il y en a un peu. Ouais. Il y en a un peu aussi, mais il est pas trop plombant. Il est lourd, ce qui déjà peut être un stop à certaines personnes, tellement le son est lourd, mais il est quand même assez vivant pour bouger et créer quelque chose. Mais c'est un son, quoi, c'est un mur de son, quoi, le truc. Ah ouais, clairement. D'ailleurs, bah, toi, normalement, complètement ta cam, le Doom. Oh ouais. Moi, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, dans les tout débuts où Tonaï et moi on se fréquentait, on a été voir un concert à Saint-Lô, c'est marrant, j'allais en parler, dans un ancien cinéma. Ouais. Et il y avait deux groupes. Cities of Mars. Voilà. Et mais l'autre, je m'en souviens pas du tout. L'autre non plus, je me souviens pas trop. Et, et moi, je me souviens parce que j'écoutais pas trop de Doom à l'époque. Tonaï pas du tout. Non. Et c'était incroyable parce qu'il a pris une claque de malade. C'est une révélation, voilà. Ce style-là. À tel point qu'il est rentré chez lui, il en a écouté toute la nuit, il m'en a encore parlé le lendemain, il dit, oh, j'ai trop écouté, mec, j'ai tout poncé, t'avais été chercher plein d'infos sur le groupe et tout. Ouais. T'avais eu un coup de cœur sur le groupe et sur le style en lui-même. Ouais, quoi. Donc c'est pour ça que là, on arrive sur un groupe qui est quand même un peu un fer de lance aussi du style, il est beaucoup connu et reconnu comme tel. Donc toi, Conan, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, ce que j'en ai pensé. Alors, là, je te cache pas que j'ai kiffé d'entrée, mais j'étais en mode quand même, tu sais, un peu découverte et tout, parce que j'avais lu 2-3 trucs et justement, je voulais un peu peser, comment dire, cette sensation de lourdeur là. Ouais. Après que j'aime bien, mais là vraiment, bon, alors déjà, quand tu regardes bien les artworks, hein, je trouve que ça te met déjà dans une ambiance d'office, hein. Mmh. Tu rentres direct, la dernière un peu moins, je trouve. Elle fait un peu plus tonneur. Je viens de la découvrir parce que là, je sais pas. Ah oui, tu veux dire les trucs un peu comme ça, un peu sombre. Voilà. Moi, donc j'ai perdu. Voilà. Ouais. Après, on pourrait être un peu sur une espèce de desert rock quand même. Hein. C'est pas. Oui, non, mais après, je dis pas. Hein. Mais en tout cas, quand tu fais le lien entre les pochettes et la musique, enfin, t'es dans une ambiance quand même qui se dessine facilement, tu vois. Par exemple, tu mets ça en fond de partie de Warhammer, ça colle, tu vois. Je trouve. Je sais pas, je me rends pas compte, mais peut-être. J'ai jamais fait de Warhammer. Non. En tout cas, c'est lent, c'est lourd, c'est caverneux, t'as le chef de guerre là qui hurle son cri de guerre. John Davis, tu peux l'appeler. John Davis, je vais l'appeler John Davis, tiens. Joe Davis pour les intimes. Ou JD. Ouais, je préfère John Davis. T'as l'impression qu'il incante un truc là, que ça va réveiller les morts là, des kilomètres à la ronde et tout. Non, il y a vraiment une ambiance particulière, tu vois. Ouais. Des Doom, on en a découvert quelques-uns. Le dernier qu'on avait parlé avec ses gros yeux, rappelle-toi là. Ah, Pentagram. Pentagram, c'est pas le même délire. Non. Pas du tout. Et Pentagram, bon, je dis pas que ça m'avait déplu, mais c'était un peu daté peut-être, tu vois. L'univers qui te balance dans la gueule. Alors, je comprends tout à fait le côté, ça peut être réfractaire pour certains, parce que ça demande, je sais pas. Mais c'est en fait, moi quand je dis réfractaire, parce qu'en fait c'est tellement lourd comme son, que déjà tu peux le prendre en pleine gueule en mode... pas assez mélodique, pas assez mélodieux, et que ça fait un peu comme un mur qui vient te stopper en mode, c'est que pour moi, je peux voir ça pour les gens comme une certaine étape à franchir. Ouais. Si t'es pas... Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens où ça va aller chercher en toi, quelque chose que soit t'as pas l'habitude, et du coup, moi j'écoute la musique, c'est pour le plaisir. Ouais. Là, on va chercher des choses quand même assez profondes quand même, hein. Tu vois, on parlait de primitif tout à l'heure. Mais si tu fais la distinguo avec notre précédente capsule qui était Guilt Trip, tu vois directement la différence de musicalité, quoi. Là, ça, si des gens ils aiment bien un truc plus rentre-dedans, plus efficace comme ça, et que t'arrives sur un Conan où c'est vraiment, toi c'est waouh, ça peut, alors sachant que pourtant il y a quand même des morceaux où, un peu comme l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, qui est quand même, ça bouge quoi, c'est vivant, alors, il se passe des trucs. Justement, parce que Conan, mine de rien, si tu écoutes, si tu es pas réfractaire et au contraire tu trouves ça même intéressant, c'est lent, très lourd, caverneux, ça sort d'une autre dimension même presque. Et malgré tout, tu te fais surprendre de temps en temps par des putains de riffs, et là t'es pas prêt des fois. Oui, parce que c'est surprenant. C'est récompensé en fait. Toute cette attente, carrément. Parce que c'est vrai que t'as un peu ce côté d'une certaine attente, parce que tu vois, il y a toute une démarche. Ce côté lent justement met une espèce de chose en toi comme une espèce de frustration là, de quelque chose qui va arriver là. Après, je dis pas que justement la récompense est forcément que moi je j'accepte très bien ce côté lourd, lent et tout, sans aucun problème, mais c'est vrai que des fois tu te fais surprendre mais ça se marie très bien avec le reste et ça fait pas tâche en plus. Ouais, un peu à l'inverse de Son, justement, t'as jamais cette délivrance là. Quand avec Conan, quand il te la procure, et ben c'est une espèce de respiration qui vient te redire, tu vois, ah ouais, voilà, ouais, carrément. Ouais. Donc non. Et qu'est-ce que j'avais noté de trois trucs? Eh ben vas-y. Hein. J'avais mis que, ah oui, alors c'est là, peut-être ça rejoint le côté un peu réfractaire pour certains, parce que c'est ce que je dis attention à vous, car Conan est taillé pour la haine, la mort et le cauchemar. Non mais je veux dire, il y a rien de lumineux. Ah oh, t'es toujours dans le sombre. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, t'es des hommes des cavernes. Ils sont dans la caverne. Ouais. Tu vois, et au pire, ils ont un peu de lumière avec leur flamme. Donc, enfin, tu vois. Mais, non, alors, ouais. Alors, tu disais que c'était, alors, du coup, parce que moi, j'avais noté aussi que, ben, toute leur musique, enfin, c'est saturation maximum. Quoi. Ah, bah oui, oui, oui. Et au point qu'ils en ont même taillé des instruments, exprès pour, tu vois. Ouais, donc, ouais, à la finale, ils étaient au max. C'est pas suffisant. C'est ça. Faut qu'on taille, tu vois. Donc, Non, mais au moins, il y a une vraie recherche de quelque chose, tu vois. Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que, comme je disais, je pense que pour certains, ça peut être trop. Mais je trouve ça intéressant de savoir que c'est volontairement trop. À partir du moment où c'est choisi que ce soit trop, ouais. C'est qu'il y a une démarche derrière et ça peut être quelque chose justement à comprendre en fait, tu vois. Bah, moi en tout cas, c'est le questionnement que j'ai eu, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est vrai, ce genre de musique là, des fois tu peux être amené à te dire mais comment ça se fait que je kiffe un truc aussi sombre, profond et tout ça. Mais ça vient tellement des moi je trouve que alors on a l'impression d'être dans une autre époque, c'est les hommes des cavernes, c'est vachement primitif, donc ça parle vraiment d'une autre époque et tout. Mais c'est un peu l'essence de nous en fait, c'est quelque part, c'est enfoui au fond de nous, enfin en tout cas moi je le ressens comme ça et c'est pas quelque chose qui me rebute, au contraire, j'ai plutôt tendance à aller j'ai pas envie de dire ça, mais si, c'est un peu ça, hein, fouiller dans la mer un peu, parce que non mais c'est ça, l'histoire elle est pas jolie. Je l'avais pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire elle est pas jolie, hein. On vient notre côté primitif, c'est pas les bisounours, tu vois. Ouais, et je vois ce que il y avait un peu moins de ça dans nos gènes de toute façon. Ouais, donc, ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, moi c'est quelque chose qui marche fort, hein. Ouais, t'es client, t'es méga client. Je kiffe, ça me procure des trucs, ça fait poser des. Et du coup, tu serais complètement partant pour y aller, quoi. Ah, je sais pas. Ah. Bah, carrément que si, t'es ouais, fou. Mais, non, ouais, mais tu vois, moi, autant j'ai pu aimer l'expérience, autant je ne sais pas si j'irai. Ah ouais, ouais. Parce que je suis, pas autant client que toi, déjà. Ouais. Et parce que je suis pas sûr que moi, en live, le côté, je sois, tu vois, mais pourquoi pas t'accompagner? Alors, pourquoi pas t'accompagner? C'est pas le genre de groupe qu'on voit passer à tout, enfin. Dans le coin, souvent, ah, dans c'est le coin, assez non. rare. Ah oui, dans le coin, alors, non, mais parce qu'il tourne beaucoup. Alors, je Conan, sais que mais... je pourrais quand même me dire merde, parce que je sais pas l'heure, tu sais, peut-être. Je peux l'avoir. Parce que c'est vrai que c'est un truc, voilà, si t'es un peu dans l'ambiance qui va avec, le côté un petit peu dark. Voilà, je pense que voilà, ça se marierait complètement au truc. C'est vrai qu'en plein soleil, en plein été, ça participerait moins à rentrer dedans, 16, mais bon. 16h, il passe ouais, à 16h. Bah voilà, écoute, c'est peut-être pas le meilleur timing, mais il passe face à Vision of Atlantis ou Persephone. Non, bon, bah déjà, ils ont pas trop de guerre. Je vais t'accompagner. Donc, d'accord. Bon, bah très bien, on fait ça. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est sûr que voilà, l'heure, c'est pas celle qui correspond le mieux à ce genre de groupe, tu vois, mais. Non, mais bon. Rappelle-moi une chose, oui, parce que je peux. Te rappelles de Primitive Man. Ah, j'ai failli en parler, tu oui. vois. Oui, oui. Eh ben, c'était, il faisait pas nuit, hein, et on a vécu une expérience plutôt. Ça, moi, pour ma part, c'était intense. Ouais, moi, et ça... le côté saturation maximum, parce que aussi, je crois qu'ils vont, ils vont au max. Hein. Ouais, mais moi, ça m'avait moins marché, moi. Ah ouais, ouais. Mais j'étais venu voir quand même, donc ouais. Je me rappelle pourtant que quand on l'avait découvert, oui. c'était un peu déroutant quand même. C'est ça. Bah oui. Mais non, en live, c'était une putain d'expérience, hein. Oui, c'était une expérience. Mais j'étais moins client de la finalité, personnellement. Alors, le seul truc. C'est vrai que par exemple Primitive Man, le côté un peu comment dire, on subit un peu, c'est ouais. Ce côté parce que moi j'ai senti vibrer dans tous les sens. Si c'est un peu le même cas sur Conan, je déconseillerais de se taper un gueuleton juste avant. Je pense que c'est pas autant que ça quand même. Hein. Je pense Ou que alors, c'est moins. Non parce que c'est pas. Ouais, c'est ouais que... non c'est peut-être ouais. Parce que le mec il jouait avec un truc particulier, c'était. Ouais, ouais. C'était vraiment basse en plus. Mais du coup, bah, je pense que je t'accompagnerai là-bas vu que j'ai rien d'autre à faire à ce moment-là. Bah écoute, du moment que tu me gâches pas mon plaisir, je le gâcherai après, okay. Mais pas sur le moment. Non, je rigole. Bon bah écoute, merci beaucoup Tonai. Eh bah merci. Puis je te dis à la prochaine capsule. Bah ouais, très vite.